Nous sommes dans le nord du Ghana, précisément là où vit le peuple Frafra. Et les Frafra, eh bien ils ont un truc bien particulier. Ils adorent chanter le gospel chaque dimanche matin. À l'octet haut, c'était son rêve à lui tout gamin de chanter en chorale. Et c'est ainsi qu'en 2013, il se fait remarquer par le label Philosophon. Voici l'Akaba, sa fourmille de polyrythmie, de synthé, de cuivre sublime et de flûte soul. Et c'est notre power play de la semaine. La kamba you bala yezu krista bazen lamina me. La kamba you bala yezu krista bazen lamina me. Tisaba mi elan yeti biga, tisaba nazi

2001 l'Odyssée de la danse de Laurent Garnier, puis des nouvelles de DJ Cam, qui se demande où en est son feeling, on file du côté de Brasilia, mais du côté de Hull, en Angleterre. Oui, oui, je sais, c'est un peu compliqué à suivre, mais c'est ça, l'espace et le temps. Et c'est la danse, sur Radio Duo, comme tous les jeudis soirs. Nuit des temps, Radio Duo. We'll be right back. Et c'est toute la beauté de notre power play cette semaine. Luxuriance des cuivres, rythmique démentielle, cœur divin. C'est à l'octet Oro. Et c'est son de la joie. Et nous sommes toujours en 2023. La nuit des temps, l'international de la danse. Evan Schornstein, aka Fauté, est un producteur new-yorkais. C'est surtout un percussionniste et ça se sent dans ses sons calibrés au millimètre pour la danse et pour l'expérimentation. Voici Chrome et nous sommes en 2014. c'est un géant de la soul. C'est un expert en rythme et en mélodie. Il était engagé sur tous les fronts et de nombreuses causes politiques. Il mériterait une spéciale à lui tout seul. Mesdames et messieurs, gloire et honneur à Curtis Mayfield. Et nous sommes en 1979. Et là, on commence à tutoyer les étoiles. So much praise, full of passion. All this girl she loved for days, never stopping, loving all so many ways. You my soul, a part of me, you turn me on. What is my woman for? Oh, what is my woman? Amazing how she give all and all. And if I tumble, she won't hardly let me fall. Superwoman, you're powerful to me. Girl, you freak me with your never-ending thrill. When I'm near you, I can't keep my body still. Got me screaming, ooh, screaming louder than I should. Pretty woman, you're so really good to me. She is kind of sweet, ain't she? Mais oui, c'est déjà presque l'heure de fermer les portes, les grandes et belles portes de notre bon vieux club. Elles sont belles ces portes parce que la nuit des temps, eh bien figurez-vous pour l'anecdote, c'était un club qui officiait dans une vieille salle de cinéma des années 30. Et cette salle s'appelait l'Eden. Le paradis. Alors, au paradis ce soir, eh bien, nous avons reçu Barry Can Swim. Et si Barry ne sait pas nager, ça n'a aucune importance, car oui, Barry sait danser, et c'est ça qui est diablement beau. Il y avait aussi Alocté Oho, et ses sons qui fabriquent de la joie. Il était même notre powerplay cette semaine. Il y avait également David Axelrod et sa danse de la mouche The Fly. Laurent Garnier, ça vous l'avez reconnu, qui se la jouait Stanley Kubrick de la danse. On a également reçu Digicam, souvent imité, mais jamais égalé. Il y avait aussi Fila Brasilia et ses petites et paradoxales profondeurs. On a également reçu Fauté, qui est en photo sur notre page Instagram à la nuit des temps 2, et vous pouvez retrouver toute la programmation de toutes les émissions. Et à l'instant, Curtis Mayfield est là pour nous accompagner tranquillou vers la sortie. The Phenomenal Hand Clap Banda. Vous savez, dans la nuit des temps, la sortie n'est jamais définitive. Et on va poursuivre, à l'œil, avec deux mini-bonus. L'un est turc, l'autre bien frenchy, bien de chez nous. c'est Ersen Vidad, Aslar. Ça, c'est pour le Turc. Et pour la France, une bonne vieille copine. Et elle s'appelle Corinne. Des bonus, des sons pour lever les yeux vers le ciel et apercevoir les étoiles au-dessus de Saint-Étienne. Elles aussi sont nos copines. Elles sont là. Les étoiles seront toujours là lorsque l'on sort d'une bonne séance de groove. Avec la musique, la danse, le cosmos. Buona notte. Salut! gönül şişesini saran bulunmaz bulunmaz. Yıkma hakkın binasını ören bulunmaz bulunmaz. Ey güzel dost nereden gelin eğleni eğleni leni. Gelir Hüseyin'im gökçü dolanı dolanı lanı. Göz göz oldu yare, bu yare kimler sara? Tabip gerek derman sara, derman bulunmaz bulunmaz. Aşk perişandır şaşkına, hak yardım eyle düşküne. Mecnun gibi dost aşkına, ölen bulunmaz bulunmaz. Perişandır şaşkına, hak yardım eyle düşküne. Mecnun gibi dost aşkına, ölen bulunmaz bulunmaz.